Sans moi, reprit Lisbeth, votre père serait encore plus ruiné qu'il ne l'est. Rentrons, dit Hortense. Maman est fine, et elle se douterait de quelque chose. Et comme dit notre bonne Lisbeth, cachons-lui tout, soyons gais. Victorin, vous ne savez pas où vous conduira votre père avec son goût pour les femmes, dit Lisbeth. Pensez à vous assurer des revenus en me mariant avec le maréchal. Vous devriez lui en parler tous ce soir. Je partirai de bonne heure exprès. Victorin entra dans la chambre. Eh bien, ma pauvre petite, dit Lisbeth tout bas à sa petite cousine. Et toi, comment feras-tu? Viens dîner avec nous demain, nous causerons, répondit Hortense. Je ne sais où donner de la tête. Toi, tu te connais aux difficultés de la vie. Tu me conseilleras.